Tu n'es mauvais garçon, je le resterai toute ma vie. Oh na na na na. On dit méfie-toi des colbocs à Paris qui sont nos pires ennemis. Oh na na na boy. Tu n'es mauvais garçon, je le resterai toute ma vie. Oh na na na na. On dit méfie-toi des colbocs à Paris qui sont nos pires ennemis. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Mais à Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Y'en a qui deal, mais où cela les mène-t-il? Rejetés de la société, ils se rebellent et deviennent hostiles. Dans la ville, beaucoup de jeunes sèment la pagaille. Pour ces jeunes là sans travail, le soir le match en plaque à Veda. Original bad boy, cesse de te faire remarquer. Rien que des projets pour nous aider, mais rien n'est réalisé. À présent dans tous les ghettos, tous les jeunes sont révoltés. Ils se sont passés le message et ça bat côté assemblée. Résultat du débat, ils ont pris quelques mesures, celles de tuer des jeunes dans la rue au fur et à mesure. Ça se renouvelle, c'est encore des bavures. Ça semble invraisemblable, je sais que c'est dur et j'en suis sûr. Mais moi je suis racaille sans ressources et il faut que je me débrouille. J'ai la flic à Yamé. Face à eux, jamais je ne mouille. J'ai rien d'inégal, mais tu me suspectes et pousses les contrôles à l'embrouille. Les toxiques commerces devant ta gueule, c'est moi que tu stoppes, y'a une couille. Babylone et ses soldats nouvelles, pourvu que leur piste se bouille. Y'a pas que l'équipe qui porte des guns, tout le monde sait faire valser les douilles. C'est de traquer tous ces jeunes que t'as contraint à la magouille. Si tu ne veux pas que le gunshot braille, que paraisse victime d'une averse de dépouille. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Mais à Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Abel est dans tous les cartels, tous les jeunes n'ont pas la frousse. Ils feraient n'importe quoi pour empocher un Mac de plus. Y'en a qui avec ça iront s'acheter leurs 12 ou leurs 12 pour éliminer tout ce trafic. Mais tous les dealers ne me cas en course, une course dans laquelle je suis un lion dans la brousse. Je pourchasse mes promes, mais les flics sont à mes trousses. Je ne m'en fais pas pour moi, car je suis jeune, vie plein de ressources. Vous êtes malin comme un renard et puis farfaya comme un ours. À Paris, tous les bandits sont wanted, les calbons qu'on les veulent à tout prix be fooded. À Paris, tous les bandits sont wanted, les calbons qu'on les veulent à tout prix be fooded. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Mais à Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Blackman contre Brisé, Rebeu contre Grené, ça se tabasse. Les mérons des Babylone ramassent, sans qu'à venir l'unification du ghetto people en masse. Pour que l'on puisse de façon définitive un beau jour faire face, un 7-6-5 qui de jour en jour odeur en heure me lasse. Nous stockent dans des blocs de béton comme du bétail jusqu'à ce qu'ils cassent. Tu me ramènes la flécaille pour délimiter nos espaces et fous la pagaille dans mes moves débrouillard pour faire la caillasse. T'as besoin de monnaie sur Paris, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. En vélo dans la Tessie, Blackman Halbich pour faire le cash. C'est là que le bici rentre en jeu, en voilà la première étape. Comme cascade la mafiosie, c'est pas un gang de petites frappes. Tout d'abord les vendeurs de peu ça qui volent à gauche et revendent à droite. Calcule bien tes coups pour que tes vols à gauche te ratent. Dealers de Zeta squattent le palier, camouflage pour Babylone qui mate. T'en trouves dans tous les blocs du fond à flap, taf taf, ça fait j'rabatte. Lâche la poudre, ce mortel en paquet, ta communauté du gars. Quelle valeur réservée au jour où l'éternel de France s'abat. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Mais à Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. À Paris, les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ qui les traquent et les suivent jour et nuit sans répit. Il faut que c'est ce qui Babylone, son crime massif est sidi. La mague est dans sens, ils se vendent des saisies de cannabis friend, ceux qui la consomment. Plus la gamme s'est implantée, près des accros de la bombarde, des familles dans la totale dérive, car la misère les assomme. Si notre lutte est de survie, quel est le but de tout homme? Je veux voir toutes les mains en l'air pour la face des crédits et des gants. On rêve d'une génération soudée pour chasser Babylone. Il faut que c'est ce qui Babylone, son crime massif est sidi. La mague est dans sens, ils se vendent des saisies de cannabis friend, ceux qui la consomment.